de visage, leur désidérée d'un autre âge, à la hauteur d'un caniveau, sauter encore fini. S'en tiennent au tir, bousculer sans vouloir y venir. Les gestes qui nous font souffrir sont-ils là, seuls contre ça? Contre son dos, sauter tout.